thérapeutique. Tellement je suis dedans parfois, je m'y perds. Donc il me restera du souffle, mots d'ordre, mes projets, tout sauf des chimères. Mon trajet n'a rien de linéaire. Le disque est bouclé, mais on finit sur les nerfs. Persévérance, mot-clé, dédicace à nos mères. On crée dans l'intimité, écrit et compose quand la famille dort. Si ce qu'on en s'abreuche, on s'en pleure. Moi dans la cuisine, show energy sur mon transistor. Fume pirate. Des passionnés, des artisans. La lumière tarde derrière le store. Ça bosse les rythmes, les beats jusqu'à l'épuisement. Dans peu de confort. Un million de groupes, faut rapper pour faire mal. Mais t'inquiète, on a le mort.